Alors en fait, une sauce à base de poireaux sauvages pour manger la salade des champs. C'est-à-dire, ça, c'est une invention à moi. Le principe, c'est de faire une sauce un peu épaisse pour tremper la salade dedans, plutôt que de faire une salade où tout est mélangé. L'avantage de faire ça, c'est que d'une part, on peut distinguer chaque variété et on peut manger dans l'ordre qu'on veut, celle qu'on veut. Alors, il y a des gens qui vont prendre que les salades douces, d'autres qui vont prendre que les amères, d'autres qui vont prendre un peu l'une, un peu l'autre, ou qui vont commencer par l'amère, finir par le doux, le contraire. Voilà, une technique, il faut le prendre à l'envers quoi, pour tremper le cul de la salade dans la sauce, sinon on en met partout, quoi. C'est une façon de faire. Alors, pour avoir ce côté épais, ce que je fais, c'est que je prends des poireaux sauvages que je coupe en petits morceaux, que je les fais fondre dans du vinaigre, c'est-à-dire je les fais cuire dans du vinaigre jusqu'à ce que le vinaigre s'évapore. Ensuite, je mets ça dans un bocal pour le mixer avec alors de l'eau, du sel, du poivre, de l'eau. Éventuellement, j'y mets le poignet d'amande, morceau de pain rassis, soit que le poireau, soit que le pain, si j'ai pas de poireau, soit que des amandes, ça n'importe. Et après, je mixe bien tout ça et je termine par de l'huile, moitié d'huile d'olive. À peu près moitié huile, moitié eau. Voilà. Ça fait une sauce un peu épaisse, un peu... c'est joli, c'est une jolie sauce. Et je mets ça dans une petite coupelle, je sers un saladier de salade. Voilà, chacun prend sa salade et mange ça.